Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Nostradamus et ses célèbres prophéties. Et en 1555, après 10 ans d'exercice de la médecine, il va, dans son cabinet de travail, avoir brutalement des illuminations pendant des veilles nocturnes. C'est lui qui le dit. Et il va prophétiser. C'est-à-dire, il va recevoir des visions qu'il va transcrire. Jean-Charles de Fontbrune, l'auteur de Nostradamus, historien et prophète à l'émission Rencontre en 1982, c'est donc en 1555 que tout commence et que Nostradamus publie les fameuses prophéties qui vont le rendre célèbre et qui refont périodiquement surface, aujourd'hui encore, dans l'actualité. France, 16e siècle. Dans la lueur d'une flamme, l'apothicaire Michel de Notre-Dame s'apprête à voir apparaître l'avenir. Alors qu'il respire les enivrants effluves d'une potion, des images d'une horreur sans nom se matérialisent. Pour voir l'avenir, il remplissait un bol d'eau qu'il noircissait avec de l'encre. Il prenait une bonne dose de noix de muscade, une épice légèrement hallucinogène, couvrait sa tête avec un tissu et regardait dans le bol où lui apparaissaient ses visions. Ingérée et inhalée, la noix de muscade se décompose dans le foie et se transforme en amphétamine. Le résultat ? Un état de transe auquel certains attribuent la capacité de Nostradamus à prédire l'avenir. Ce don fait très vite sa réputation, et c'est grâce à ce dernier qu'il fait encore parler de lui aujourd'hui. Extrait du documentaire « Les prophéties révélées » de Raoul Cadena et Ben Kruger. Pour nous parler de Nostradamus et de ses célèbres prophéties, je reçois l'auteur et professeur de lettres Claude Lacharité, qui est également titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé de l'Université du Québec à Rimouski. Claude Lacharité, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, Claude de Charité, presque 500 ans après sa mort, Nostradamus reste aujourd'hui encore quelqu'un de très connu, de très célèbre. Qu'est-ce qui explique qu'il continue aujourd'hui encore d'occuper une telle place dans la culture populaire, Claude? Bien, dans l'imaginaire collectif, Nostradamus représente la figure de l'astrologue par excellence, de l'homme qui connaissait l'avenir au point de pouvoir prétendument prédire tous les grands événements de l'histoire occidentale, du point de vue qui est le nôtre. Hein. On peut penser par exemple à l'avènement d'Hitler, à l'invention de la bombe atomique ou encore au voyage sur la Lune. Et il faut dire qu'il y a quantité d'émissions de télévision qui viennent conforter cette réputation de Nostradamus comme une sorte de mage doté de la faculté de préscience. Et ce qui est assez frappant, c'est que autant cette réputation-là, elle est bien assise, hein, bien établie, autant finalement Nostradamus est un personnage qu'on a du mal à situer dans son temps, à associer par exemple à son siècle, le 16e siècle, la période de la Renaissance, ou encore à voir comme un individu français hein, qui vivait donc dans le royaume de France sous le règne de François Ier et ses successeurs jusqu'à Charles IX. Et ce qui est aussi très frappant, c'est de voir à quel point cette réputation elle est complètement dissociée de ses œuvres et en particulier de ses prophéties qu'il publie pour la première fois en 1555. Il faut dire que ces prophéties sont un texte particulièrement difficile d'accès, oui. Un texte au style énigmatique, quasiment indéchiffrable. C'était un texte qui posait déjà de redoutables défis aux lecteurs de l'époque de Nostradamus et qui en pose encore plus aujourd'hui puisqu'il y a pratiquement 4 siècles et demi qui se sont écoulés depuis leur parution. Et puis, une chose qui est importante de signaler dès le début de cette émission, c'est que Nostradamus est aujourd'hui célèbre, bien sûr, mais à son époque aussi. C'est quelqu'un de très connu, à qui on accorde beaucoup de crédibilité, qu'on consulte, on veut connaître ses prophéties. Puis, en préparant cette émission, parce qu'on est toujours autour de ça, est-ce qu'il a dit vrai, dans quelle mesure ses prophéties se sont révélées. Puis, en préparant l'émission, je lisais un texte dans lequel le professeur de littérature française et spécialiste de la Renaissance, Jean Séard, disait « Peu importe, au fond, de savoir si ses prophéties sont justes ou pas. Ce qui est intéressant, d'abord, en tout cas, à son sujet, c'est de voir l'importance réelle qu'il a eue, l'importance historique qu'il a eue, et de tenter de mesurer le degré d'influence qu'il a réellement eu de son temps également. Voici à ce propos l'animateur de l'émission Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand, à l'antenne d'Europe 1 en mai 2020. Nostradamus n'a pas eu une gloire seulement posthume. Il était important de son vivant. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler ce qui s'est passé en 1564. Le jeune Charles IX donc qui succède à son frère François II, vient faire, vous savez, il va faire tout son grand tour de la France, là, il va visiter ses provinces, il va à la rencontre de ses peuples, comme on disait à l'époque. Il est accompagné de sa mère, bien entendu, la reine-mère Catherine de Médicis. Il est de passage en Provence dans ce cadre de grand voyage. Et le 17 octobre, eh bien, il fait exprès étape à Salon et il vient uniquement pour voir Nostradamus. Quand il se présente devant le roi adolescent, il lui lance de manière un petit peu grandiloquence « Vir magnus bello nulli pietate secundus », c'est-à-dire « homme grand dans la guerre, ne le cédant à nul autre dans la piété ». Un peu plus tard, Nostradamus est invité auprès du roi et de la reine-mère. C'est l'occasion d'une nouvelle prédiction qui, si elle a vraiment eu lieu à l'époque, a dû paraître bien improbable, puisque en voyant le cousin du roi, le prince de Béarn, celui qui va devenir Henri IV, mais alors dans des conditions très compliquées, 30 ans plus tard, Nostradamus lance « Celui-ci aussi sera roi et entrera dans l'église romaine ». Allusion à la conversion de ce prince protestant, conversion future au catholicisme. Paul Gagnère précise « On a tout lieu de croire que le jeune Charles IX ne fut pas informé de pronostics aussi fâcheux pour son propre destin, puisqu'il fait remettre au médecin, peu avant son départ de Salon, une gratification de 200 écus, ce qui est une somme considérable, en même temps qu'il lui décerne les titres hautement honorifiques de conseiller royal et de médecin ordinaire. » Alors, on reviendra sur cet épisode auquel fait référence Franck Ferrand dans un instant, Claude de la Charité, mais d'abord un mot sur l'importance historique qu'a justement eu Nostradamus. Parlez-nous un petit peu de son parcours et de l'importance qu'il aura. Oui, alors Nostradamus, de son vrai nom, s'appelait Michel de Notre-Dame. Il est né à Saint-Rémy de Provence en 1503. C'est l'exact contemporain du capitaine Malouin Jacques Cartier qui va prendre possession du Canada au nom du roi François Ier. C'est aussi le contemporain de l'écrivain humaniste Rabelais, auteur de Pantagruel. Et Nostradamus va s'inscrire à la faculté de médecine de Montpellier en 1529, à une époque où Rabelais lui-même étudie la médecine. Alors, pour une raison obscure, Nostradamus va être exclu de l'université. Il ne pourra pas terminer ses études médicales, ce qui ne l'empêchera pas par ailleurs de néanmoins exercer comme médecin et comme apothicaire. Il va s'établir dans une ville du sud-est de la France qui s'appelle Agen en 1533. Et par la suite, son parcours va l'amener à beaucoup voyager, que ce soit en France, par exemple. Il va faire une sorte de tour de France dans les années 1540, ou en Italie, où il séjournera pendant trois ans, de 1547 à 1549, une époque où l'Italie est vraiment la terre bénie des humanistes. Et lorsqu'il revient en France, il va s'établir à Salon de Provence à partir de 1555. C'est 1555 qui est une année importante dans son parcours, puisque c'est l'année où paraîtront ses fameuses prophéties. Il va mourir à Salon de Provence en 1566, et effectivement, comme Franck Ferrand le rappelait dans l'extrait que vous venez de diffuser, il va obtenir le titre honorifique de médecin du roi et de conseiller du roi de la part de Charles IX, mais il faut surtout y voir l'intervention de sa mère, Catherine de Médicis, qui est la reine-mère et la régente du royaume, qui a une affection toute particulière pour Nostradamus. La conflagration mondiale qui doit apporter tant de bombardements et des révolutions si fortes qu'il ne sera guère de pays qui ne soit touché par les troubles, durera jusqu'à ce que tout soit mort, hormis l'histoire et les dieux. C'est pourquoi, avant et après de telles révolutions en plusieurs pays, les pluies seront si réduites et il tombera du ciel une si grande abondance de feu et de projectiles incendiaires que rien n'échappera à l'embrasement. Mais après tout cela, selon les signes du ciel, l'âge d'or reviendra avant que nous soyons parvenus à l'an 2000 qui parachèvera le tout. Il est vrai qu'il faut parfois recourir à de subtiles acrobaties linguistiques ou historiques pour rattraper la réalité dans les prophéties de Nostradamus. Mais, quels que soient les exégètes, il n'en reste pas moins que certaines visions sont trop précises et trop troublantes pour ne pas déranger. Est-ce parce que le texte est aussi volontairement obscur sur les dates qu'il est infaillible sur les événements? Nul ne le sait. Mais sur 450 ans d'histoire du monde, au détour du sentier tortueux des événements, il est rare de pouvoir entendre résonner si loin l'écho du bâton de marche d'un pèlerin du futur, attaché à présenter une vision prophétique aux perspectives insondables. Extrait de l'émission Temps X présentée à TF1 en 1999. On y entendait un extrait des prophéties de Nostradamus. C'est donc en 1555, on y revient, que Nostradamus publie son célèbre ouvrage, Les prophéties. Que dire de cet ouvrage, L'Atlas de la Charité? Bien, il faut d'abord peut-être dire un mot de la forme. Hein. Les prophéties se présentent comme des textes en vers. C'est en réalité un recueil en strophes de quatre vers ou quatrains. Et les quatrains eux-mêmes sont réunis en centuries, c'est-à-dire des ensembles de 100 quatrains. Dans la première édition de 1555, on compte 353 quatrains prophétiques. Et dans la dernière édition, qui paraîtra deux ans après la mort de Nostradamus en 1568, il y a plus de 942 strophes ou 42 quatrains. En fait, il y a probablement dans cet ensemble beaucoup de vers apocryphes, hein, des textes écrits par d'autres. Il faut dire que c'est un tel succès commercial que les éditeurs n'hésitent pas, hein, à ajouter de nouveaux vers, même si ce ne sont probablement pas des vers de Nostradamus lui-même. Par ailleurs, pour ce qui est du contenu, là, c'est plus difficile d'en donner une description objective parce qu'en fait, le style est à ce point allégorique, énigmatique, qu'il est très difficile de savoir ce que le texte cherche à désigner exactement. Mais ce qui apparaît avec évidence, c'est qu'en fait, il s'agit de la prédiction d'un certain nombre de conflits sanglants, de guerres, de cataclysmes, de catastrophes naturelles, de tremblements de terre, d'épidémies. Et tout le problème, comme le disait si bien donc le narrateur dans l'extrait que vous avez diffusé, c'est d'arriver à déterminer où et quand précisément vont survenir ces différents événements tragiques ou funestes. Et cette imprécision, ce flou, ce vague qui laisse un bon champ d'interprétation possible, c'est probablement le génie, l'astuce, le procédé que va peut-être volontairement, justement, certainement volontairement utiliser Nostradamus pour comprendre justement comment décoder ces prophéties, cette langue-là. Peut-être que la meilleure façon de le faire, c'est de s'attarder à l'une des prophéties les plus célèbres qui va contribuer justement à la notoriété de Nostradamus, celle où il aurait prédit la mort d'Henri II en 1559. Juillet 1559. Le traité du Cateau-Cambrésis vient de mettre fin à la guerre qui opposait la France à l'Espagne et l'Angleterre. Pour fêter la paix retrouvée, le roi Henri II et la reine Catherine de Médicis donnent de grandes festivités au château des Tournelles. On organise des tournois. Le roi l'emporte sur le duc de Savoie et le duc de Guise. Un nouvel adversaire se présente, Montgomery, capitaine de sa garde écossaise. Pour la troisième fois, le roi abaisse la visière de son casque d'or. Le chirurgien du roi! Le chirurgien du roi! Où est le chirurgien du roi? Il arrive. Le roi a reçu un coup de lance dans le visage. Dans l'œil gauche, il lui reste encore des éclats de bois. L'œil n'est rien de vital, madame. Une simple cavité qui loge une lentille. Nous guérirons le roi. Vous n'attendez point d'autres nouvelles, monsieur l'ambassadeur? Non. Ils ont envoyé un courrier porté au doge la nouvelle de la mort du roi de France. La mort? L'ambassadeur de Venise entendrait-il la médecine mieux que le chirurgien du roi? Tout près, monsieur le légat, mais je sais peut-être mieux lire et j'ai pas de mémoire, comme vous. Que voulez-vous dire? Vous rappelez-vous ceci? Le lion jeune, le vieux surmontera en champ bellique par duel singulier. Dans cage d'or, les yeux lui crèvera. Deux classes, une, puis mourir mort cruelle. C'est dans la première centurie des prophéties de Nostradamus. Extrait de l'émission Le Tribunal de l'impossible, présenté à la télévision française en 1968. Revenons donc sur cette prophétie célèbre où Nostradamus aurait prédit la mort d'Henri II en 1559. Que nous dit cette prophétie-là de l'exercice auquel se livre justement Nostradamus dans son ouvrage Prophétie, Claude de la Charité? Bien, c'est certainement le quatrain le plus connu aujourd'hui de Nostradamus. C'est le 35e quatrain de la première centurie. Et effectivement, on y voit souvent l'évocation hein, de la mort du roi Henri II, donc dans les circonstances qui ont été évoquées dans l'extrait que vous venez de diffuser, hein, le roi étant mortellement blessé à l'œil par le comte de Montgomery le 1er juillet 1559. Il mourra des suites hein, de cette blessure 10 jours plus tard. Alors le seul problème, c'est qu'évidemment, cette interprétation-là, elle elle apparaît très tardivement. Personne au XVIe siècle n'a vu dans ce quatrain l'évocation prochaine de la mort du roi. Ça aurait été un tour de force, hein, puisque les prophéties paraissent en 1555, donc 4 ans avant la mort du roi Henri II. C'est seulement au XVIIe siècle qu'un commentateur va faire le rapprochement entre le quatrain, le 35e de la première centurie, et la mort d'Henri II. Et c'est un peu un phénomène récurrent, c'est-à-dire qu'au fond, hein, quand on interprète les quatrains, c'est toujours par rapport à des événements qui se sont produits, des événements passés, et presque jamais par rapport à des événements futurs, puisque personne ne connaît l'avenir. Hein. Et donc, c'est un interprète du XVIIe siècle qui, le premier, va en quelque sorte taper sur ce clou. Mais c'est certain que ça aurait été plus intéressant si des contemporains de Nostradamus eux-mêmes avaient fait le lien entre le quatrain et la mort du roi, surtout que le recueil des prophéties est lu avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'avidité à la cour de France par Catherine de Médicis, par les courtisans et sans doute par le roi Henri II lui-même. Ouais. Mais il y a des défenseurs qui vont dire beaucoup plus tard, pour justement venir au secours de Nostradamus, dire oui, c'était peut-être un peu vague, il n'y avait pas le nom du roi, mais vous savez, à cette époque-là, s'il avait publié une prophétie où il dit clairement que le roi de France allait mourir, il allait lui-même être exécuté. On peut lire toutes sortes de choses. C'est ça la beauté de ce que deviendront ces prophéties, Claude Lacharité, c'est que tout le monde interprète à sa manière ce que nous dit ou pas Nostradamus. Oui, tout à fait. En fait, Nostradamus a eu le génie de concevoir des textes qui sont de véritables énigmes textuelles, finalement, hein, qui invitent le lecteur à tenter de résoudre l'énigme en proposant sa propre interprétation. C'est, je pense, la clé de son succès, aussi bien de son vivant que par la suite, hein, au fil des siècles qui se sont succédés jusqu'à nos jours. C'est une tendance de fond du reste de toute la littérature de la Renaissance, hein, d'insister sur le rôle actif que le lecteur doit jouer dans l'interprétation des textes littéraires, hein. Je pense, par exemple, à un texte comme Gargantua de Rabelais, hein, qui s'ouvre sur un prologue où on nous invite en quelque sorte à interpréter à plus haut sens, de manière allégorique, le texte qui va suivre, et qui se termine par une énigme en prophétie. Hein. C'est presque déjà du Nostradamus, 20 ans avant la publication des prophéties. Mais peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est que, au fond, ces prophéties répondent à un véritable besoin du 16e siècle. Hein. Denis Crouzet, par exemple, a montré que c'était une sorte de médecine de l'âme, que dans cette période très incertaine qui est marquée par les guerres de religion de la deuxième moitié du 16e siècle, au fond, les prophéties de Nostradamus, malgré leur caractère tragique, apportent une certaine forme de réconfort aux lecteurs de l'époque parce que, d'une certaine façon, ça disculpe les gens de toute forme de responsabilité dans les événements funestes, catastrophiques qui se succèdent tout au long de la deuxième moitié du 16e siècle parce que les contemporains avaient tendance à voir les guerres, hein, ou les épidémies comme des formes de châtiment divin. Et dans la mesure où tout ça était prévu depuis longtemps, selon Nostradamus, ben ça permet en quelque sorte d'alléger la souffrance morale des Français de la seconde moitié du 16e siècle pour cette raison-là. Ouais. Parlons un peu de la langue, puis on le fait déjà un peu là, quand on parle d'ambiguïté de style, mais plus profondément encore, parlons un peu de la langue de Nostradamus dans les prophéties. Comment décrire cette langue-là? Bien, c'est effectivement donc une langue qui ouvre la possibilité à différentes interprétations. Il faut dire que la langue de Nostradamus est très, très singulière. Hein? Elle est marquée, entre autres, par l'absence d'articles. Donc, très souvent, on a du mal à savoir de quoi il s'agit précisément parce que les articles ne sont pas exprimés explicitement. Il y a aussi de très nombreuses inversions, ce qui fait que quand on interprète le texte, on ne sait pas très bien où est le sujet, quels sont les compléments d'objets directs et indirects, ce qui permet donc des amphibologies, c'est-à-dire des doubles sens. Par ailleurs, Nostradamus emploie des mots rares, des mots mystérieux, des mots secrets. Alors, par exemple, dans le quatrain annonçant apparemment la mort d'Henri II, il y a le mot « d'elle », D-E-L-L-E, dont on n'a pas, je dirais, d'occurrence ailleurs au 16e siècle, et que certains vont interpréter comme « duel », mais rien ne nous indique que pour Nostradamus, « d'elle » signifie bel et bien « duel ». Et par ailleurs, Nostradamus aime beaucoup, donc, utiliser des langues étrangères. Alors, ces prophéties sont écrites en français, mais il n'hésite pas à introduire du latin, du grec ancien. Et comme Nostradamus est originaire de Provence, il n'hésite pas non plus à mettre ici ou là des expressions empruntées au provençal ou à l'occitan, ce qui contribue, hein, à l'obscurité de son texte, à la difficulté d'interprétation que posent les prophéties, qui sont véritablement un texte énigmatique et indéchiffrable, qui semble effectivement donc annoncer les pires catastrophes et les plus grande tragédie dans un avenir plus ou moins lointain, puisque par ailleurs, toutes les prophéties emploient les verbes au futur, donc qui nous situent dans un avenir plus ou moins lointain. Ouais. Et ce qui fait que cette projection dans l'avenir va faire que ces prophéties vont survivre au temps. On le mentionnait au tout début de l'émission, mais aujourd'hui encore, on continue de parler, de citer cet ouvrage abondamment. Pourquoi donc? Bien, il faut dire que Nostradamus était un génie de la mise en marché d'une certaine façon, hein, puisque dans la préface de ses prophéties, il indique qu'il a mis par écrit hein, de perpétuelles vaticinations pour d'ici à l'année 3797, c'est-à-dire hein, qu'il a proposé des prédictions qui sont valides de la parution du recueil en 1555 jusqu'à l'année 3797. De cette façon-là, au fond, il invite hein, les lecteurs de la postérité à se livrer à ce jeu d'interprétation et à voir s'il n'y a pas dans tel ou tel quatrain l'évocation d'un événement historique important qui s'est produit peu avant et que Nostradamus aurait déjà entrevu du lointain 16e siècle de son époque. Aujourd'hui, Claude Lacharité, on termine là-dessus. Où en sommes-nous avec Nostradamus? Alors, évidemment, Nostradamus reste toujours d'actualité. Dans notre imaginaire collectif, dans la culture de masse, il est toujours bien présent et je vais donner deux exemples. Hein. Tout récemment, une écrivaine américaine, Scarlett Ross, en 2015, lui a consacré un Nostradamus for Dummies hein, dans la série bien connue d'introduction dite pour les nuls. Ça montre à quel point, donc, Nostradamus est devenu une sorte d'élément incontournable de la culture occidentale, bien au-delà du monde francophone. Un autre exemple qui, à mon avis, est assez parlant, c'est au tout début de la pandémie de COVID-19, il y a une sorte de prédiction apparemment de Nostradamus qui s'est répandue sur les réseaux sociaux et qui disait la chose suivante. Hein, il y aura une année jumelle, c'est-à-dire 2020, d'où surgira une reine, Corona, qui viendra de l'Orient, la Chine, et qui étendra une plaie, virus, dans les ténèbres de la nuit sur un pays aux sept collines, l'Italie, et transformera en poussière, mort, le crépuscule des hommes pour détruire et ruiner le monde. Alors, il s'agit évidemment d'un faux hein, assez grossier qu'on peut détecter assez facilement du fait qu'il ne s'agit pas d'un texte en vers, que ce n'est pas un quatrain. Mais je pense que ce texte-là, diffusé au début de la pandémie, témoigne éloquemment hein, du fait que la légende de Nostradamus comme un mage connaissant l'avenir et connaissant même les événements qui vont se produire jusqu'en 3797, ben, cette légende est toujours très bien vivante, même si ses prophéties sont une œuvre peut-être moins lue et moins connue aujourd'hui. Ouais, on veut y croire. En tout cas, beaucoup de monde veulent y croire à cette légende. Claude Lacharité, écrivain, professeur de lettres, titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé à l'Université du Québec à Rimouski. C'est toujours un bonheur de vous avoir à cette antenne. Merci beaucoup. Merci, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.